artistes d'ici. Chaque mardi de 17h30 à 19h30, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et en prestation au 380 rue Dorchester. En assistant à l'émission, vous pourriez même repartir avec des prix de présence. Sortie culturelle, c'est le mardi de 17h30 à 19h30 à CKRL 89.1. T'es déjà allé triper au Festif de Baie-Saint-Paul et tu rêves de faire partie de la programmation? Bonne nouvelle, le Cabaret Festif de la Relève est de retour. Le Cabaret Festif, c'est le public curieux de Charlevoix en plus de 20 000 $ en prix en bourse et en visibilité. Visite lefestif.ca/cabaret et présente ton projet d'ici le 22 novembre. Merci. Là, c'est drôle, je ne m'entendais pas. Excusez-moi, je n'étais plus sûr. Bonsoir à Terra. C'est Terra ce soir jusqu'à minuit, Bruno et Michel. Et comme fidèle à notre habitude, on a deux bonnes heures de rock progressif et pas mal de nouveautés ce soir. Et on commence d'ailleurs avec une nouveauté. Un groupe italien, la Conscienza di Zeno. Et c'est leur album studio qui incidemment, a été lancé ce soir à Milan, curieusement, là, dans une petite salle de spectacle très intime, là, la Casa di Alex. En fait, c'est dans une maison que le dit Alex a transformé en... Il y a une salle de spectacle dans sa maison, et c'est pour ça que ça s'appelle la Casa di Alex. Donc, le groupe lançait ce soir son nouvel album studio, La Vita Migliore, Una Vita Migliore, et on écoute un premier extrait. Je pense qu'on va être bon pour en écouter deux ce soir de cette excellente formation italienne. Terra Incognita jusqu'à minuit.

speak of answer. The sword through Galley's night. The sky is a place to go. Unchain your wings. Strike the system down. Fall, it rains. Ooh. Sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Festival d'été de Québec, Spira, La Croisée, Centre d'art La Chapelle, l'Ampli de Québec. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animées par des spécialistes et des passionnés. Jean-François Artaud et Luc Ferland analysent et échangent sur de grands dossiers actuels de la politique municipale, provinciale et fédérale. Accès pouvoir, le jeudi, 9h. Mercredi 14 novembre, 19h, Le Pivot vous invite à assister à la conférence « Les 10 commandements » de Bruno Landry. Autour des concepts d'intégration et d'adaptation, Bruno Landry partage son expérience et le fruit de ses réflexions en donnant des trucs efficaces qu'on peut appliquer à plusieurs facettes de nos vies, dans notre famille, avec notre entourage et bien sûr dans notre travail. Inscription au coût de 5$ seulement, par téléphone au 418-666-2371. La conférence « Les 10 commandements » de Bruno Landry, un rendez-vous au centre de loisirs Ulrich Turcotte, au 35 rue Vachon, mercredi 14 novembre à 19h. Êtes-vous créatif? Êtes-vous manuel? Découvrez le programme Technique de métiers d'art du Cégep Limoilou à travers trois parcours distincts et créatifs offerts en partenariat avec les écoles ateliers de Québec. Expérimentez par vous-même les techniques en atelier et le travail d'un artisan. Sculptez la pierre et fabriquez un socle de bois. Réalisez votre instrument de musique ou créez une tasse confort. En tout, 6 disciplines à découvrir. Céramique, construction textile, ébénisterie artisanale, joaillerie, lutherie et sculpture. Tous les parcours sont 20$. Inscrivez-vous et vivez l'expérience. Pour information, contactez-nous au 418-647-0567, poste 115, ou à métiersd'art.com/parcours. De retour, on va jeter un petit coup d'œil à l'arrière. Il y avait Marble House. La dernière pièce qu'on a entendue, c'est de l'album Embers, un jeune groupe italien, encore un autre, qui nous arrive avec un premier disque vraiment très bon, bien ficelé. Ça me fait penser par moments un peu à Discipline. Ceci dit, ça ne veut pas dire que... Mais on sent des influences britanniques et américaines. Marble House, c'est un groupe qu'on n'a sûrement pas fini de diffuser. Tout juste avant, on avait Anima Mundi, du plus nouveau, le plus récent, plutôt le Insomnia. Un groupe de Cuba, ça me fascine toujours. Je me demande, est-ce qu'ils ont la possibilité de jouer, de présenter des concerts de prog dans ce coin du monde? J'ose espérer, parce que il me semble que ça fait quand même, je pense pas qu'il doit pas en avoir une tonne à Cuba. Donc, Anima Mundi de leur plus récent Insomnia. La pochette est assez similaire au disque précédent. C'est encore les mêmes, mais une autre couleur de... Enfin, vous allez voir. Et puis, on avait donné le coup d'envoi ce soir avec une nouveauté, bien, comme Anima Mundi aussi d'ailleurs. C'est le nouveau de la Cosenza di Zeno, qui, comme je le disais tantôt, ils lançaient leur disque ce soir à Milan. Una vita migliore. Pour notre deuxième bloc, on va aller faire un petit tour du côté de la Norvège avec un groupe qu'on va avoir le bonheur d'accueillir vendredi le 17 mai en première partie de Bjørn Riis. C'est le groupe Oak qui vient de lancer un excellent disque, False Memory Archive. On écoute un... Je pense que c'est pas... En tout cas, si on a le temps, on écoutera un deuxième. En tout cas, on écoute au moins un ce soir, donc de False Memory Archive, le groupe Oak. Fluorescent lights, concrete floor, sad echoes, all the fear in here. Here we are, first in line, gathered in the morning, and then disappear. I can hear the sound of life returning to the soil, and it's killing me. Our numbers on our fall will make no sound, silent attainee. Bye. Yeah. hide, 'cause you're insecure, afraid of what I can't be sure. A nervous smile in memory fine. I like to look, I like to style. I'll be gone in just a while. This puts a weight upon my mind. Help me make the world seem En fait, c'est un bloc totalement norvégien ça, pour notre deuxième bloc. On avait donné le coup d'envoi avec Oak False Memory Archive, qui le Oak, je vous rappelle, qui va être au Centre d'art La Chapelle dans le cadre du festival Terra Incognita. Le 17 mai, ils vont ouvrir pour Bjørn Riis. Tout de suite après, Tusmørk, je ne sais pas exactement comment prononcer en norvégien, Tusmørk, un groupe, je pense que c'est le groupe le plus productif depuis des années, 3 albums en un an, c'est assez impressionnant. C'est de l'album Oslo Børgerlig, c'est avec 2 membres de Wobbler, le claviériste et le batteur. Et on a bouclé avec The Windmill de leur deuxième album Tributes, et c'était la pièce Make Me Feel. Dernière, il nous reste une bonne heure. Une petite nouveauté pour commencer le troisième bloc, c'est un disque solo du claviériste de Callahad, Dean Baker. Un peu, c'est même beaucoup, je vous dirais, dans le mode électronique. C'est quelque chose que lui rêvait de faire depuis quelques années, même plusieurs années. Et c'est suite au décès d'un de ses amis qu'il s'est retrouvé avec toute la collection de son ami. Il a été le premier surpris de constater qu'il y avait tellement de disques de Vangelis, de Kraftwerk, de Tangerine Dream. Et il était plus ou moins familier. Donc, il s'est mis à écouter, puis ça l'a tellement inspiré que finalement, ben, encouragé par le chanteur Stu Nicholson, ben, un premier disque solo, donc, qui a pour titre Constellation. On écoute la pièce titre, et avec d'ailleurs Stu Nicholson en tant qu'invité chanteur. Ah, c'est vrai, oui, mais pas tout de suite. Après les pubs, on revient. Pneus Bazar et CKRL vous offrent la possibilité de gagner un certificat cadeau de 400$ au meilleur centre de pneus à Limoilou. À compter du 12 novembre, écoutez les matins éphémères entre 6h30 et 9h et un finaliste par jour sera sélectionné parmi les appels reçus. Le grand tirage aura lieu le 23 novembre. Pneus Bazar, 70 3e avenue à Limoilou, 88-522-1130. Prenez rendez-vous en ligne sur pneubazar.com. Chez Pneus Bazar, on prend soin de vous. La Foire du disque de Québec approche à grands pas. Plus de 35 exposants seront présents avec des milliers de disques vinyles à vendre. C'est un rendez-vous le 17 novembre prochain de 10h à 16h au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue Prince-Édouard. Seulement 2$ l'entrée. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. Make you feel. How does it make you feel? How does it make you feel? nothing. We'll be right back. has ended. The tariff has been paid. Tomorrow the blood will be washed away, and we'll forget all the promises we made. We say the fallen are forgotten. Tell stories on their deeds, but there's always something lurking, another warning we don't heed. We'll be right back.

misunderstood. You nodded to support me. I can't blame you. I like the idea of being considered as a treasure and being careful not to make me fall. But I fell and I'm hurt. I've always suffered looking for you. My broken pieces and these machines are thinking about smashing them even more, ever more. The sky is purple, the sound of the waves of an electric sea. Says alcohol and drugs, the body says rest. The war of the senses has always been present in me. No more just sleeping for a long time, otherwise forever. I will not meet you until then. So Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. T'es déjà allé triper au Festif de Baie-Saint-Paul et tu rêves de faire partie de la programmation? Bonne nouvelle, le Cabaret Festif de la Relève est de retour. Le Cabaret Festif, c'est le public curieux de Charlevoix en plus de 20 000 $ en prix en bourse et en visibilité. Visite lefestif.ca/cabaret et présente ton projet d'ici le 22 novembre. Et la finale intense qu'on a entendue il y a quelques secondes, c'était Gösta Berling's Saga de leur tout récent tout chaud AX. Avant, on avait du Luxembourg, Light the Mage, de l'album Numbers. 41.9, The Astute Trousers. Ça, c'est nouveau aussi. Il y avait Mick Kershaw, Arms Open Wide. Et vous avez probablement reconnu la voix de Stu Nicholson, qu'on avait pu entendre aussi tout juste avant sur la pièce Constellation de l'album Constellation, le premier disque solo de Dean Baker, le claviériste de Galad. On a présenté en début d'émission une nouveauté italienne, le nouveau disque studio de la Conscienza di Zeno. Je dis studio parce qu'ils en ont sorti un cette année en concert, Una Vita Migliore. Et je vous avais parlé d'une possibilité d'une deuxième pièce. Eh bien, c'est le cas. Ça devient une réalité. Un deuxième extrait de Una Vita Migliore. Nel suo lento divenire ghiaccio, ho il cuore piccolo e caldo, alterna tempi lunghi a tempi brevi, lusinga l'animo ed il suo antro, le parole sono poche e misurate. Laddove è inutile andare, è inutile andare. Prendo, ho il cuore piccolo e caldo, non riconosce la mia ombra, è normale, sono senza verbi ora, è normale, le gambe s'assottigliano, sfuggo dove non posso, laddove è in andare, è inutile andare. Giro gli occhi e il bianco mi invade, assieme al nero del cervello. Giro gli occhi e il bianco mi invade, assieme al rosso del sangue. Assieme al rosso del sangue che circola, assieme al rosso del sangue che circola, assieme al rosso del sangue che circola. insieme al rosso del sangue che circola, assieme al rosso del sangue che circola. Già il coro elettrico dei mille So